Éloquence vibe. Pas florage. Si, si, méchant, méchant. Ah, ah, ah. Nouvelle donne musique. Ah, ah, ah, ah. La rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Le pays, je le sais, sur mes gardes, je reste. Ce phénomène prétexte à embrouiller avec chacun une test. Pas tomber dans le piège, mec, le gouffre est profond. C'est pour ça que les profanes, les faux fans, je les mets écho. Ça veut surpasser pour des saints. Marche calif sous la soutane. Prennent leur salive pour de la base, une espèce de chétane. Tu veux que je me rétame? Non, vois bien que le mal les réclame. Contre leurs mensonges de langue de pute, j'ai l'âme fatale. Face de crotal, d'où ils me côtoient? Pourquoi tu me tutoies? On se connaît pas, explique-moi. Pareil, comment et qu'en plus tu tutoies? Hein, regarde tes faces de nas pour ton public. Et tes répliques de fans refoulées pour ta clique. La mienne, elle change pas. Dilemme, fric, ami, y'a pas de ça. J'ai de source, car un mec de fionce qu'on sait rare comme un hindou qui danse du zouk. Éloquence, faf la rage, et les mots s'entrechoquent. Les faux font dans leur froc. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Voix chère, beaucoup plus une main. Je n'ai de vraies sauces, mais je reconnais les vrais défauts. Tu me brouilles en règle, nos affaires bisson à bisson. Ici, c'est la règle qui sonne à ma porte et saut. C'est du genre, oublie les condés, pense à de vaisseaux. Quand le smeul commence, éloquence, peu de romance, esprit de revanche. C'est du genre, tu gagneras jamais les deux manches. Tu m'incarnes à une fois, mais pas deux. C'est à mon tour, tenasme. Correctement, c'est pas un pléonasme. Et si mon rap plaît au masque, c'est que je dis la vérité vraie. Trop de putes, trop de faux macs dans ce lesbi. À base de messe basse, tu m'as pris pour un presbyte. Pourtant, j'ai vu ton manège. Tu joues l'acteur comme au manège. Ce molesse, colosse au pied d'argile, toujours les molosses. Pourtant, t'es pas mon los, mais molesse. Un écho zarbi dans tes oreilles. Tarbat et mon œil. Pourtant, tu prends des ailes, mais je te remets vite à ta place, vite dans ta crasse. Arrête de me les par hypocrite, iconoclaste. Viens pas mon dieu du respect. Non, non, viens pas mon dieu du respect. Viens pas mon dieu du respect, hein. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Les gens, la haine, des faces fans, les mêmes qui font de la peine. C'est le gang des fous, foutu qui reste. C'est ça, je louche sur mes ennemis. Ça me permet de dormir tranquille quand ils me sourient. C'est leur haine qui me nourrit. C'est plus que je veux les tenir à l'œil. S'ils tentent de me gazer dans le dos, ça, frérot, nada. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez ses ennemis près de soi, mec, on sait ça. Longtemps et croient qu'ils peuvent venir et manipuler. Ça, je laisse jouer l'art, c'est de savoir où les trouver. Figure pourrie derrière un visage angélique, tu sens. Vu que t'es grillé, te descendre, fils, c'est ensemble qu'on va le faire. C'est toi qui te fourres dans la merde, je kiffe. Serre-moi un t'es sonné d'escroc, fils de naïf. Fous le camp avec tes cancans sans rien dedans. Entends voulu, crois-moi, c'est ce que tu vas entendre. Va te prendre. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. Éloquence, c'est la rage, mec, on sait ça. Gardez nos ennemis près de nous, mec, on fait ça. On fait ça bien, non? Tu sais. Éloquence vibe. Faf la rage. Nouvelle donne musique. On dit quoi? On dit que c'est bon, non?